je viens. N'oublie pas, j'ai toujours représenté. Oui, je traîne qu'avec des cassos et des petits trafiquantés. Les jaloux, j'écoute pas, ils aiment trop se la raconter. Vous voulez me tester, n'hésitez pas, y'a mon équipe à côté. Pourquoi tu veux toujours savoir d'où je viens? Toujours savoir si je fais d'où je viens. Toujours savoir si les os viennent. Tant que j'ai de l'amour, ça va tout baigne. Je dirai plus jamais que tout va baigner. Arrête ton rap, t'es tout traîné. Moi j'accélère, voilà pour freiner. Le rap auto, moi j'ai nique sa mère. J'en ai vu parler, mais je les blesse. Quand tu te vois, ils parlent, mais qui cesse? T'es pas un voyou parce que tu viens d'une cesse. Respecte ta mère, apprends la politesse. J'aime trop ta mère, on se parle pourtant en galère. Trop de filles qui font les vierges, les têtes promènent les uns à l'air. Tu fais le gros, mais t'en as pas l'air. T'es un charbon, t'es un peu de tout. On dirait que t'as eu tout à l'air. Rime en studio, j'ai jamais l'impression. Je me pose, flash dans, en deux deux, je deviens un son. Et c'est comme l'impression, les MC jaloux sur mon compte. Je les baise à tous, c'était évident. J'arrive en boîte sur mes 2000 ans. Avec ma team, gros, pété dans la concurrence. Le même jour, ils vont se mettre dedans. Mon gros, ne dis pas qu'on t'aime. Vas-y, prouve-moi le. Ne fais pas les choses en traite. Dis-moi le, c'est le mieux. Je vois les mecs passer en moto. Va savoir ce qu'ils pensaient, ils sont bizarres. De toute façon, pour moi, y'a des fils de bâtard. Crime de bâtard de fils. Je me rebelle, il faut qu'on sache que j'existe. J'vois une mise, elle m'existe. Je la traîne dans la voiture si elle insiste. J'en buvais des lessives, me pisse. Je regarde derrière et oui, même quand je pisse. Tu veux la guerre, cherche pas, mon je pisse. Ils font les choses, mais ils sont sensibles. Après, ils viennent quand tu leur pètes les gencives. Alors, ils sont 206, ils voient, c'est impossible comme une journée au jet sensible. Énervé, l'instru, je calcine. Pété que j'en boucane ma voisine. Que ça gratte, demande à Ousine. Quand c'est trop cramé, ben ça casse la cime. J'suis plus le même sac qu'ils imaginent. T'en fais de barre, tu me fais la grosse machine. Tout joule, c'est la crème. Ça suce pas pour entrer dans les hit machines. C'est chaud que ça s'assassine. Sur la gâchette ou la parole facile. Qu'est-ce qu'il y a, j'vois que tu te fascines. Redescends sur terre, la zine. On aime dire ce qu'on ressent. Faire les choses comme on le sent. Le temps passe, tout le monde change. N'oublie pas, pour tout le monde se venge. Oublie-moi, j'en ai vu toute l'année. Ils sont jamais contents, ils font que râler. J'trace ma route, j'les calcule pas. J'ai fait ma vie sans savoir où j'allais. Qui me donnera ses ailes si un jour j'veux m'envoler? Si un jour j'ai plus air, qui pour moi ira voler? Celui qui dit mon frère, c'est souvent lui qui va donner. Qui dit faute avouée, dit à moitié pardonner. Pas où la vie mène, tout ce que d'or j'traîne encore. Pour un rien je m'emporte, tout a changé. Dis pas désolé, mais pardonnez-moi si j'ai déconné. Direction la lune, là j'ai décollé. Y'a toujours ma dream team, là pour m'épauler. J'vis comme avant, j'me rappelle même plus du passé. Ça m'a fait mal au cœur, t'as pas dit bonjour quand t'es passé. Le cœur sur la main, j'avance même s'il est cassé. J'm'envole. Laissez-moi passer, y'en a assez de tous ces BDH. Ceux qui savent pas choisir un camp, pour moi c'est des lâches. J'm'envole, laissez-moi, ou ça va péter cash. J'me rappelle à la part, quand ça pétait des haches. Des DH. J'suis resté le même, sauf que moi j'suis sur la lune. Seul au monde, j'aperçois un mirage derrière la dune. Dégoûté de voir que ce qui fait l'homme, c'est la thune. Je viens, je n'oublie pas, j'ai toujours représenté. Oui, je traîne qu'avec des cassos et des petits trafiquantés. Les jaloux, j'écoute pas, ils aiment trop se la raconter. Vous voulez me tester, n'hésitez pas, y'a mon équipe à côté. D'où je viens, je n'oublie pas, j'ai toujours représenté. Oui, je traîne qu'avec des cassos et des petits trafiquantés. Les jaloux, j'écoute pas, ils aiment trop se la raconter. Vous voulez me tester, n'hésitez pas, y'a mon équipe à côté. D'où je viens, j'ai toujours représenté. Oui, je traîne qu'avec des cassos et des petits trafiquantés. Les jaloux, j'écoute pas, ils aiment trop se la raconter. Vous voulez me tester, n'hésitez pas, y'a mon équipe à côté. D'où je viens, j'oublie pas, j'ai toujours représenté. Oui, je traîne qu'avec des cassos et